Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'Arménie et son cinéma. Quelle Arménie et quel cinéma ? Le cinéma de la République d'Arménie soviétique, nous sommes en 1993, ou le cinéma de l'Arménie de la diaspora. Les deux cinémas. Un cinéma épique, héroïque, un traitement cinématographique du temps exemplaire, un cinéma qui travaille sur la mémoire en train de naître, qui réunit le passé et le présent, un cinéma qui est né très tôt, et une émission, les mardis du cinéma, liée à l'actualité d'une programmation à l'époque au centre Georges Pompidou, une émission dont ne seront évidemment pas absentes la figure et l'œuvre de Paradjanov. Première diffusion sur France Culture le 14 septembre 1993. Les mardis du cinéma, le cinéma arménien, par Régis Labourdette, avec la participation de Arbi Ovanessian, Jean Radvani et Krikor Belodian. Entre le 15 septembre et le 18 octobre 1993, se poursuit à la salle Garance du centre Georges Pompidou une programmation de cinéma arménien qui a débuté au mois de juin et juillet. C'est un événement qui fera date en raison de la diversité de la sélection, diversité chronologique, puisque à côté des films parlants de 1935 à nos jours, il y a tout un ensemble de films muets de 1920 à 1934, et films muets dont certains sont totalement inconnus encore. Diversité géographique, puisque sont réunis des films tournés en République d'Arménie, aussi bien qu'en diaspora. La culture arménienne, portant ainsi la marque du génocide décidé en 1915 par l'Empire ottoman et ayant fait d'une situation atroce un facteur d'enrichissement. Dans ce que la cinématographie arménienne a de meilleur, aussi bien en Arménie qu'en diaspora, il y a une mise à distance de l'anecdotique, une mise à distance de la trame narrative linéaire, un refus d'une histoire qui se raconterait simplement du début à la fin. Et cela au profit d'une sorte de tissage intériorisé des éléments dont il serait constamment essentiel de montrer qu'ils ne vivent qu'en écho. Souvent, le cinéma arménien est un cinéma de la mémoire en train de se faire au moment où elle n'existe que dans l'action d'assembler son présent et son passé en une indissociable unité, une unité qui peut être douloureuse aussi. Bon, on sait qu'historiquement, il y a un petit pays sur la carte qui est Arménie qui produisait quelques films chaque année. Et historiquement, le début de cette production, c'est les années 20. Arbi Ovanessian. Mais les Arméniens dans le cinéma, ils ont commencé à travailler beaucoup plus avant. Mais à cause de situation politique en général, dans l'époque, ils ont été tous... partenaient dans les différents États. Ils ont été citoyens de différents États. États ottomans, persans, américains, Russie tsariste, etc., etc. La meilleure période de cinéma de l'Arménie, c'est entre 25 et 35. Ils sont produits jusqu'à le premier parlant, Pepo, 31 productions. Que parmi ces 31, il y a un minimum 10 ou 12 films extrêmement importants de période muette. Et le premier film parlant, un film très important. Après ça, c'est la période critique du cinéma arménien parce que la production a été suspendue et le nom de studio a été changé, c'est devenu le studio de Yerevan, complètement restructuré. Toutes les metteurs en scène sont presque mis en dehors. C'est le metteur en scène russe qui sont commencé à travailler en Arménie, parmi eux Barnett et Boris Barnett. Et pendant la guerre, ils ont tourné quelques films, et très mauvais. Et après, c'est le période de film tourné toujours par Dombey metteur en scène. Ça veut dire un film avec un représentant de Tchéka. Ça continuait jusqu'à Pour l'honneur. Pour l'honneur, c'est 3 ans après le mort de Staline. C'est le premier film qui est tourné par un metteur en scène qui travaillait, qui était un ex-élève de Vjik, école de cinéma de Moscou, qui a tourné plusieurs films révolutionnaires dans la période muet. Et ce film a été le début de un peu, on va dire, le cinéma sérieux avec la connotation arménienne. Jusqu'à début des années 60. Début des années 60, il y a le premier court-métrage de Jvijik, qui c'est une première démarche un peu sérieuse à travers le cinéma de comédie, mais un film qui est vraiment cinématographique. Et premier film long-métrage sérieux, important, c'est Bonjour, c'est moi, qui présentait l'Arménie au Festival de Cannes, dans la version russe, avec une seule phrase en arménien qui était « Barev Yesem »,« Bonjour, c'est moi ». Et la raison a été parce que le fils dans l'histoire a été un russe qui a appris arménien, il dit à son amant « Barev Yesem ». Bon. Et ce film a été le début de renaissance de Sem. Ça c'est le premier film tourné par Dovlatian en Arménie. Et après, le triangle de Malian. Et immédiatement, le troisième, c'est Couleur de grenade, Parajanov. On peut voir que c'est un événement. Déjà un courant qui commence à... C'est une nouvelle génération. C'est la période de Khrushchev. Jusqu'à 73. Dans cette période, il y a tous ces films importants. Pelechian, Bagrat Ovanessian... Les films importants de Malian, comme Le Père, Nous sommes notre montagne, tout ça a été tourné dans cette période. Tous les films de Pelechian, ça finit avec le 72. Deuxième film important de Dovlatian, Chronique de journée de Yerevan, ça a été beaucoup censuré à l'époque, mais ça a été tourné par là. Un autre film très important tourné par Karen Gevorkian, son premier film à tourné en Arménie, qui appelait Août. Le dernier dans cette série, c'est Le Soleil d'Oton de Bagrat Ovanessian. Et après, c'est plus ou moins standardisé, période brejnevienne, banalisé sur le niveau de sujet. Et c'est le court-métrage plutôt qui est intéressant dans cette période. Court-métrage documentaire. Et dans cette programmation à Saint-Georges Pompidou, les documentaires n'étaient pas inclus. Et à cause de ça, on ne voit pas le film tourné par Vahouni, qui est un metteur en scène très remarquable, de documentaire, par Vartanov. Il y a plusieurs autres qui sont très, très remarquables. Dans Bonjour, c'est moi, Frunze Dovlatian nous introduit dans la nostalgie de la séparation, la nostalgie du départ, la difficulté à être unis. Jean Radvani. Il y a eu une sorte d'euphorie en 1990-91, quand tout le système de censure et de dirigisme étatique est tombé. C'était une période où à la fois la censure a disparu, la censure de Goskino et la censure en Arménie aussi. Goskino, je veux dire Goskino de Moscou, pour l'URSS. Ensuite, et en même temps, les subventions étatiques accordées par Goskino ont été maintenues. Et donc, ça a été 2 années extrêmement fastes, en principe, sur les conditions matérielles en tout cas, où l'inflation n'était pas encore là, les subventions étaient maintenues et il n'y avait plus le dirigisme antérieur. Et là, à ce moment-là, on a vu tout d'un coup une floraison de films, en tout cas quantitative, et s'ajoute à ça en plus la fin du monopole d'État. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître à peu près à ce moment-là, fin 90, 89, 90 et après, des maisons de production indépendantes, c'est-à-dire des sortes de coopératives ou des associations qui rassemblaient de l'argent, une partie État, une partie privée, pour faire des films. Donc il y a eu une ou deux années exceptionnelles par le nombre de films. 1992, c'est un tournant tragique parce que c'est les effets du blocus qui vraiment, à ce moment-là, se font sentir. C'est-à-dire, tout simplement, pas d'électricité, pas de combustible, pas de carburant pour les voitures, pour aller faire les tournages, pas de chauffage dans les studios l'hiver. Et donc une année vraiment noire. On a pratiquement fait qu'un film, enfin une sorte de série de et c'est tout, vraiment les studios à la limite de l'arrêt technique. Il y a eu quelques films qui ont été faits cependant avec l'aide étrangère, parce qu'en ce moment ils payaient en dollars, enfin avec l'aide étrangère plus exactement, c'est des coproductions ou des productions étrangères en Arménie. Calendar d'Atom Egoyan, un film allemand fait par Margarita, enfin produit par Margarita Voskanian de Berlin, et sinon c'est tout. Alors les cinéastes se sont mobilisés, c'est-à-dire les gens des studios, les gens des cinéastes se sont mobilisés, ils ont rencontré le président d'Arménie, le premier ministre, parce que dans un premier temps, le gouvernement arménien avait décidé de ne plus subventionner le cinéma en estimant que le cinéma c'était une activité commerciale comme une autre et qu'ils allaient pouvoir se débrouiller tout seuls. Or c'est clair que dans ces conditions, pas un seul film, en tout cas d'auteur, ne peut se faire. Et après des discussions assez dures, m'a-t-on dit, le gouvernement arménien a accepté pour l'année 93 de financer les studios et de financer la production de 3 films qui avaient été ébauchés et arrêtés et dont le tournage a repris en 93. Donc cet été, en principe, on devrait y avoir au moins ces films, et surtout, peut-être que c'est ça le plus important, le gouvernement arménien a décidé d'allouer aux studios des générateurs d'électricité et du combustible de façon à ce qu'ils puissent effectivement fonctionner. Mais donc on voit s'accumuler plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois donc ces problèmes techniques, ces problèmes politiques, de choix culturels très importants, et puis alors le problème des nouvelles thématiques et de la pression du commercial, parce que toute une série des films qui ont été faits depuis 1990-91, en fait, on voit bien comment ces films ont été tournés en fonction, une partie de ces films, en fonction de la mode du moment et de la volonté d'essayer de faire des films commerciaux à partir de choses qui étaient tabous auparavant, la mafia, le goulag, des choses qui sont censées intéresser le public et arménien, russe et éventuellement occidental, et ce qui donne souvent des choses pas très intéressantes. Ou bien alors des films qui essaient de revenir sur certains éléments de la culture arménienne, en particulier je pense parce qu'il y a une mode, visiblement, il y a une mode à la religion et au mysticisme, qui malheureusement donne souvent des choses extrêmement conformistes et schématiques, et qui sont extrêmement peu intéressantes. Et malheureusement, pour l'instant, je dirais que cette... La fin de la censure n'a pas encore donné d'œuvre majeure dans le cinéma arménien. Mais j'espère que ça va venir. D'autre part, est-ce que ces dernières années, dans le cinéma arménien de la diaspora, on peut sentir quelque chose de différent, une nouvelle étape de l'histoire, une nouvelle prise en compte d'une certaine tradition arménienne, d'une certaine culture, compte tenu précisément de ce qui se passe en Arménie ex-soviétique, enfin en République d'Arménie? Est-ce qu'il y a une sorte de choc en retour de ce qui se passe en Arménie soviétique dans le cinéma de la diaspora? Je crois que oui, il y a une nouvelle étape, c'est-à-dire que dans le cinéma arménien de la diaspora, il y a eu essentiellement pendant longtemps, en tout cas dans l'après-guerre, presque uniquement des films documentaires pendant longtemps, c'est-à-dire des films dont le but était de démontrer la réalité du génocide dans le cadre de la campagne faite par les Arméniens pour la reconnaissance du génocide en Occident, et d'autre part de rassembler les documents sur la génération de la diaspora, c'est-à-dire la génération effectivement qui a survécu au génocide et qui a quitté l'Arménie ou l'Empire ottoman à l'époque, en 1915, et dont les derniers survivants étaient encore vivants dans les années 50, 60, 70. Et donc il y a eu toute une série de documentaires, des assemblages d'interviews, etc., qui ont été faits à ce moment-là. Il me semble qu'on est passé petit à petit, enfin c'est une chose, c'est pas telle année, mais on est passé à une étape différente où une partie des cinéastes de la diaspora d'origine arménienne reviennent à des thèmes profondément arméniens, réintroduisent la langue arménienne, réintroduisent vraiment une culture arménienne dans le cinéma. Et évidemment, alors je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard si ces gens-là sont une nouvelle génération, si ces gens-là sont issus d'une deuxième diaspora, je dirais. Oui, notamment à la suite de la guerre du Liban, un certain nombre d'Arméniens dont la famille s'était installée dans ce pays ont été amenés à le quitter. C'est le cas de Nigol Besdjian, dont le film Chickpeas, un film de 1992, fait la narration d'une installation difficile en Californie. C'est aussi le cas d'Atom Egoyan, qui lui était exilé au Canada, et dont le film Kalendar, film de 1992 aussi, comporte l'histoire d'une redécouverte sensible de la culture d'Arménie, et cela à travers une réflexion sur le cinéma. Cette réflexion fait évidemment suite à la très intéressante accumulation de matériel que constituent les films de témoignage. Alors, les films avec des paroles difficiles venues de ceux qui ont réussi à échapper au génocide. En France, les films de Jacques Kébadian et de Serge Avedikian sont d'irremplaçables archives à ce propos. Mémoires arméniennes, c'est le dernier film de Jacques Kébadian, et c'est vraiment une très émouvante réalisation. Sizkilesten olmak istedim. Kurtar edeceğim. İnce. Yeka. Kaçırsın. Il se trouve que dans les années 20, l'Arménie, dans sa région d'Orient, a été véritablement l'endroit où le cinéma oriental s'est créé. Hein, ça, on ne peut pas dire qu'il y a un cinéma persan, un cinéma azéri à côté. C'est vraiment l'Arménie qui a été le lieu de création de tous les cinémas de cette région, ce qui est extrêmement intéressant. Bon, c'est lié évidemment à tout un contexte, probablement à certains liens que la culture arménienne entretenait aussi avec la culture occidentale, donc une manière différente de se placer dans le monde en général. Mais bien sûr, dans ces cas-là, ce qu'on est amené à se demander, c'est la relation de ce cinéma très fort dans l'Arménie des années 20 avec les autres activités esthétiques, culturelles, telles qu'elles pouvaient se dérouler. Alors, est-ce qu'on peut noter entre le cinéma et d'autres activités une sorte de symbiose ou bien des tensions ou un dialogue? Enfin, on aimerait savoir un peu comment ça se passe, la naissance du cinéma, par rapport à l'ensemble et au contexte culturel de l'Arménie des années 20. Il faut d'abord dire que les soviétiques considéraient que le cinéma était l'art soviétique par excellence. Grigor Beledian. Donc un peu les Arméniens ont pris le cinéma comme un instrument, apparemment comme tous les autres peuples, mais d'une manière assez différente, il me semble. D'abord peut-être parce qu'ils avaient un théâtre assez développé au Caucase. C'était l'un des théâtres le plus fort du Caucase, c'était un théâtre arménien. Et de notre côté, apparemment, ils ont les acteurs, mais notamment Beknazarian, avaient des relations avec d'autres metteurs en scène ou des soviétiques ou russes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir de 1920, plutôt 21, s'opère comme une espèce de renouveau sur le plan littéraire, sur le plan en général culturel. Le renouveau commence, c'est-à-dire que l'Arménie se trouve de plein pied dans un mouvement culturel, littéraire qui se trouve déjà à Moscou, à savoir d'un côté il y a par exemple le futurisme, il existe un futurisme arménien qui se développe jusqu'en 1923, et les personnages clés de ce futur, un des personnages clés, c'est Yeriche Tcharents. Et on voit Tcharents en train de travailler un peu aussi au cinéma. Alors, il vient au cinéma par le biais un peu de sa prose. Ce qui est intéressant, c'est que ces écrivains, alors il y a Tcharents, il y a Baguntz, à qui on demande, notamment Ramon Peknazarian, donc le metteur en scène le plus fameux de l'époque, demande apparemment soit des scénarios, soit une collaboration. N'oublions pas que dans Bebo, le fameux film de Peknazarian, la chanson de Bebo est un texte de Tcharents, qui est faite un peu dans le style des Arméniens de Tiflis. Même jusqu'à la fin, il y a les cinéastes cherchent des textes ou des scénarios du côté des écrivains. Au lieu, par exemple, qu'on demande à des professionnels d'écrire des scénarios. C'est intéressant, par exemple, Shirvan Sadeh, c'est le grand romancier et homme de théâtre. Il a notamment, c'est l'auteur d'une pièce qui s'appelle Namus, l'honneur, et il a une autre pièce qui s'appelle Badvi Hamar, c'est pour l'honneur. Shirvan Sadeh a une dizaine de pièces de théâtre, et il faut dire qu'il a beaucoup tenté, étant donné que son grand sujet, c'est un peu la vie des bourgeois arméniens et les luttes, un peu les luttes de classe dans les mines, dans les gisements de pétrole de Bakou. Alors là, on voit notamment plusieurs versions de Namus qui ont été faites parce que Shirvanzadeh a une vision, comme on dit, réaliste de ces choses. Donc c'est un grand. Alors il y a le deuxième écrivain qui a beaucoup tenté, c'était Toumanian. Toumanian dont les contes, Gikor, est un cas exemplaire. Vertanes Papazian, c'est un écrivain un peu de seconde catégorie. Néanmoins, il a tenté. Alors dans les temps modernes, enfin parmi nos contemporains, disons, il y a Hrant Matevosian qui a fourni le scénario à l'auteur du pressoir, Bagrat Ovanessian. Justement, il a fourni plusieurs scénarios à ce cinéaste, ou plutôt ce cinéaste qui est allé chercher absolument, qui a demandé à Hrant Matevosian. C'est un écrivain, un prosateur, un romancier très célèbre en Arménie, en même temps très contesté dans les années 60 et 70, parfois censuré et interdit, cette conjonction avec les littérateurs. Le dernier exemple, c'est Arassi Aivasian. Arassi Aivasian, l'auteur du Triangle. Est-ce qu'on peut là voir des éléments qui permettraient de ressentir une sorte de globalité entre littérature et cinéma? Les auteurs qui s'adressent aux, par exemple, les cinéastes qui s'adressent à Matevosian, par exemple, ou à Toumanian, ou à Shirvanzadeh, évidemment, recherchent une qualité arménienne. Alors, chez Matévossian, c'est très clair, c'est le village arménien, c'est le monde arménien, c'est hors de la ville, évidemment, où on pense que s'est conservée une certaine identité arménienne, non entachée par la civilisation, non prise dans la soviétisation. Et en plus, cela se ressent tant au niveau du langage que dans les images extrêmement concrètes. Il suffit de voir le film de Bagat Ovanessian dans Der, par exemple, ou dans Le Pressoir, ou dans son autre film. Il a fait 3 films à partir des scénarios de Matévossian. Eh bien, on les voit, on voit ces images extrêmement concrètes, extrêmement proches de la réalité arménienne. Не звучит. Не звучит? Что, Бариджа? Не звучит. О, за 3 копейки тебе духовую музыку положить, а? Ну, давай за 2 копейки. Что? За 2 копейки. Что? За 2 копейки. На, давай, давай. Dans les années 20, Amour Beknazarian, qui a été acteur, qui a travaillé dans les studios géorgiens de Tiflis, va être le véritable initiateur du cinéma arménien et même du cinéma caucasien en général. Et il va s'opposer résolument à cette féerie caucasienne, à cet imaginaire qui était dénué de tout lien avec la réalité et auquel, il faut bien le dire, on s'était complu jusque-là. En plus, une chose qui est dans l'histoire du cinéma, son position est extrêmement importante. Parce que lui, il est le premier, vraiment, vraiment premier, qui a établi une vision cinématographique orientale vraie, même avant l'Inde. Et dans le Moyen-Orient, il est le seul exemple, parce que le cinéma géorgien a commencé par lui. Perse n'avait pas cinéma, Iran n'avait pas cinéma jusqu'à cette date, les années 30. Les autres Azerbaïdjans non plus. Et dans chaque petite république, c'est lui qui a commencé. Il a commencé le premier pas. Et il a donné une image, une façon de regard, une façon d'une attitude sérieuse, un rythme qui appartenait de région elle-même. Ça n'était pas imposé techniquement. Et c'est vraiment, c'est un grand pionnier de grands talents qui arrivaient dans un moment précis utiliser son expérience d'acteur dans le Russie tsariste et son travail avec quelques grands metteurs en scène comme Bauer, Turgenski et les autres. Il arrivait à maîtriser tout ça et dépasser, à faire un autre sorte de cinéma. Oui, parce que ce ne sont pas des documentaires qu'il a réalisés, ce sont de véritables films de fiction dans cette ambiance. Donc c'est l'ambiance de ces films qui est propre à rendre l'atmosphère, sinon réelle, ça c'est un mot difficile, mais en tout cas l'atmosphère ressentie comme vraie de ces lieux et de cette époque. Et il est vrai, quand on voit ces films des années 20 de Beknazarian, on sent vivre les gens, mais pas d'un point de vue nostalgique ou d'un point de vue lointain, on les sent vivre comme extrêmement présents. Absolument, absolument. Par exemple, un film comme Raspouch, c'est un film grand événement cinématographique. C'est un film complètement ignoré, on oublie que c'est un film qui est tourné presque dans la même période que le film oriental de Pudovkin. Et quand on compare ces deux films, celui-là, c'est beaucoup plus avancé que le film de Pudovkin. Mais dans l'histoire du cinéma, le film de Pudovkin est très connu et Beknazarian est complètement oublié. Alors, si on s'arrête sur ce Raspouch, c'est une histoire d'une révolte de gens qui apparemment sont exploités aussi bien par les notables locaux que par les pays européens qui installent des comptoirs, qui en fait ont une sorte de mainmise sur le commerce. Donc c'est une, oui, une situation politique très très précise. Oui, très précis et très très vrai. C'est pas imaginaire. C'est une partie de l'histoire de Perse qui est très connue comme le boycott de tabac, qui était un mouvement très religieux. C'est le religieux qui commençait à boycotter pour casser le pouvoir de grands empires. Oui, enfin, en fait, il y avait un monopole occidental sur ce tabac, c'est ça. C'est ça. Et à travers de cette action contre le monopole, ils sont arrivés à casser cette règle. Et c'est le premier mouvement de constitution de Perse en Iran. La constitution commence à partir de ce mouvement. C'est un point historique très précis. C'est pas imaginaire comme histoire. Et cette histoire a été rencontrée dans plusieurs nouvelles romanes dans la littérature arménienne. Et Beknazarov avait utilisé plusieurs livres pour construire son scénario. Il travaillait très longtemps, il n'avait pas l'argent même, mais il a tourné Chor dans 15 jours pour gagner argent pour arriver à tourner ce film. Et quand le film a été sorti, ce film créait un scandale quand même, même chez les bolcheviques et les capitalistes de l'époque. Les deux côtés, ils ont été très contre de ce film. Ça a été très très critiqué, quelques éloges, mais après ça a été complètement oublié. Il y a une problématique que Beknazarian pose lui-même, à savoir le contenu et la forme arménien du cinéma arménien. C'est-à-dire que quelle est la spécificité d'un cinéma arménien déjà dès les années 50, dès les années 20, c'est-à-dire dès le début du cinéma arménien. Je crois que ça, c'est une chose très intéressante. Alors, il dit notamment, entre autres, que... Enfin, je vais essayer de traduire ce passage d'une de ses interventions, à savoir comment faire pour que la forme nationale arménienne ne soit pas simplement une facture, mais une espèce de cadre extérieur artistique, mais comme faisant partie organique du film, c'est-à-dire un moment de son contenu. Il essaie de dépasser l'opposition contenu-forme et de réfléchir que sur l'essence arménienne du cinéma arménien. Mais alors, cette essence arménienne, dans la relation qu'on peut voir entre ceux qui ont écrit, les écrivains, et Beknazarian lui-même, comment pourrait-on la définir ? Le cinéma est un art occidental. Quand Beknazarian s'engage dedans, évidemment, il va utiliser cela, il va détourner. D'abord, tous ces sujets seront des sujets spécifiquement du Caucase. Et évidemment, il voit les problèmes du dedans. Il ne voit pas de dehors. Mais néanmoins, son regard, c'est à la fois les deux. Il voit ses sujets, il les voit de dedans, mais il les filme de dehors. Il y a ce jeu entre le dedans et le dehors qui fait sa spécificité. S'il y a un style Beknazarian, c'est un peu sa volonté de combiner un moyen occidental avec les gestes. Dans le muet, on ne voit pas les paroles. Dans les gestes, les situations, les intrigues, spécifiquement moyen-oriental, je dirais arménien, pour un peu boucler la question. Le jeu des acteurs dans le cinéma muet occidental est aussi un jeu très appuyé par rapport à ce qu'on a connu après dans le cinéma parlant. Donc, il est même de tradition occidentale de l'appuyer. Alors, est-ce qu'il y a une façon différente d'appuyer le jeu dans cette cinématographie caucasienne? Et d'autre part, peut-être qu'il serait bon de faire le lien entre ce jeu et ce que vous disiez d'un certain rythme. Parce que là, effectivement, par rapport au cinéma occidental, dès qu'on voit un très grand film comme Shore et Shore, on a vraiment l'impression que le montage n'est pas le même, que les choses ne se passent pas de la même manière. On a l'impression que les événements qui se produisent, et Dieu sait que Shore et Shore, c'est une histoire burlesque, enfin, de ces deux paresseux que leurs femmes passent leur temps à houspiller. Donc, on pourrait faire quelque chose, un montage très rapide, très dynamique. Or, c'est dynamique, mais c'est dynamique dans une manière où chaque épisode semble ne jamais se finir, où chacun appelle l'autre, il y a un jeu des couleurs. J'aimerais savoir si on peut faire le lien entre le jeu des acteurs et cette conception. Le jeu des acteurs et surtout le côté burlesque, ils proviennent du jeu comique des peuples du Caucase et des Arméniens. C'est-à-dire qu'il y a un théâtre arménien qui était né au 19e siècle, dont les origines sont populaires et qui aime notamment appuyer son jeu, un peu dans la manière des farces de Molière. On ne joue pas sur la demi-teinte. On aime bien exprimer tout ce qu'il y a à exprimer. Et je crois que c'est ce côté un peu populaire, ce côté qui est vraiment prise en charge dans les films de Peknazarian de l'époque. Ce n'est pas la même chose dans Bebo. Bebo, c'est certainement un film très travaillé, avec une véritable stratification. Lui-même, il le dit, par exemple, notamment pour la musique, puisque dans Bebo, il y a la musique. Il emploie des musiques très caractéristiques, enfin, pour caractériser des classes sociales différentes. Par exemple, pour le clergé, il va utiliser la musique liturgique. Pour les Zimzimov, à savoir les bourgeois, il va utiliser une musique occidentalisante. Et pour les classes sociales inférieures, il va utiliser du Sayat Nova. C'est-à-dire que là, vous avez un film quand même extrêmement travaillé, tant au niveau des costumes que de le jeu des acteurs, par exemple, des trois classes social sera un jeu très différent. Alors là, nous avons véritablement un travail dont l'origine, à mon avis, est le théâtre. C'est-à-dire qu'une caractérisation des personnages, comme cela se fait dans le théâtre de Shakespeare. Et il faut dire que les Arméniens adoraient Shakespeare. Ils avaient de grands acteurs shakespeariens dès le début du siècle. Et c'est cette tradition un peu du théâtre qui débarque, on peut dire comme peut-être en Occident, qui débarque au cinéma. C'est pas pour rien que tous les grands acteurs du cinéma sont des acteurs du théâtre, dans le cinéma arménien. Denjacak, Himier, Ari Pepan Barishink, Gikojian. Barishi Pepanjan. Inchkanavetsinim. Erkuharur, Yirik, Bre, Hinkharur, Hazar. Irek Hazar Bekka. Tenan. Ah. Pepojan, Pepo, Barishi. Barishin. Ursağur duzgau isut çe dedican neknele imats çane aşxırkin ures martı urin dipunka argumin dipunka gluhin tali hunçin sur banchuni aşxırkuma e pepojan mi hakarak ya pepojan çe dedican sudumu kubarishin ha e parktu asun urin tannis ketenevum de himi gna hunç gna Quand on entend le premier film parlant donc de Bek Nazarian, Pepo, même si on ne comprend pas l'arménien, je crois qu'il y a un plaisir particulier à entendre cette manière de parler, de s'apostropher, de chanter, de se reprendre. Et si on avait ça en russe, je crois qu'on perdrait la moitié de l'intérêt du film. Hein. Et là, on est vraiment dans le premier film parlant. Et c'est remarquable de voir combien, dès le premier, cette partie du son, cette partie de la parole, est particulièrement importante. Hein. Oui. Et il était très très conscient de ça. En plus, avec question économique, il a choisi une pièce qui était très connue dans le Caucase, dans cette époque, une pièce arménienne du 19e siècle, mais située en Tiflis, avec toutes les couleurs cosmopolites de Tiflis. Et il a utilisé tout ça à travers de mouvements, de musique. La musique, ça a été le premier travail de Khatchatourian dans le cinéma. Et Khatchatourian, dans son mémoire, mentionne que Bek Nazarov a demandé à lui, pas composer la musique, mais aller écouter la musique dans la rue, premièrement. Il était très conscient que pour communiquer, c'est pas composer imaginaire, mais lier les éléments. Et on sent ça dans le film, dans la parole, dans la musique, dans le mouvement, dans la danse, et tout comme un langage. Et il avait plusieurs articles qu'il parle, comment il a travaillé pour ça, pour arriver à faire comprendre différentes couches de société à travers des petits signes. Ce que je ressens en voyant ces films, c'est vraiment l'impression d'une sorte d'épopée populaire, c'est-à-dire que même si les caractères sont outrés parfois, ils ne sont pas outrés jusqu'à la caricature, parce qu'ils restent tout le temps pris dans leur contexte, et notamment au début de Pepo, on voit, c'est une scène de pêche qu'on voit, et l'histoire même commence dans le contexte social, le contexte culturel, et jusqu'à la fin du film, on ne perdra jamais ce contact avec le groupe en tant que tel et le groupe dans toute sa diversité d'expression. C'est pour ça que moi j'ai envie de parler de quelque chose d'épique, parce que l'épique, ça passe par une certaine forme de parole, c'est-à-dire une certaine forme de distance par rapport à l'objet qu'on est en train de traiter, mais en même temps une attention à la réalité aussi. Distance-réalité, c'est probablement ce qui fait le charme d'un film comme Pepo. Oui, tout à fait juste. Et on peut dire très facilement que le cinéma arménien, ce n'est pas un cinéma intellectuel. C'est plutôt émotionnel. Il y a l'émotion, mais pas un film émotionnel. Mais ça joue avec l'émotion, avec le sentiment, sans être sentimental. Oui, ce qu'on trouve dans Pepo, c'est vraiment une histoire tragique, puisque le héros, c'est quelqu'un qui se fait voler par un autre Arménien, un riche Arménien, et il y a là une sorte de dureté sociale vraiment tout à fait extraordinaire, une dureté sociale qui est fondée sur la misère. Il s'agit là vraiment d'une satire sociale comme on aurait pu en connaître dans la France du XVIIIe siècle, par exemple. Mamoulian avait parlé beaucoup sur le travail de Bek Nazarian quand il l'avait vu au New York ou à Paris même. Par exemple, pour Namous, il avait dit, je ne comprends pas pour quelle raison ils s'en pensent pour tourner un film arménien, de genre, tout le genre doit être avec un mauvais visage, avec grande moustache, être un film ethnographique. L'Arménie n'est pas ça. Il a fait cette remarque dans les années 20. avant de commencer à tourner dans le cinéma, mais avant de commencer son premier film, Applause. Et après, pour Pepo, le premier parlant, il a fait un grand éloge, disant que dans très peu de temps, ils ont fait un grand progrès. Et Pepo, il a accepté Pepo comme un vrai démarche créative, parce qu'on voit encore pour quelle raison. On voit la ressemblance de cet esprit cosmopolite, cet esprit cosmopolite, absolument cosmopolite, qui était l'esprit de Tiflis, qui lui aussi appartenait de cet esprit, parce qu'il était né là, il était grandi là. Et il disait pour ce film, j'ai vu que jusqu'à quel point le cinéma est si important, parce que ça peut libérer une voix, et ça la voix de nation. Il a dit ça dans les années 35. Et il a dit, la responsabilité de l'avenir s'est basée sur nous parce qu'on est le pionnier. Ruben Mamoulian vit à la même époque que Amo Beknazarian, mais lui travaille à Hollywood. Au-delà des différences très apparentes entre les deux hommes, peut-être y a-t-il des relations cinématographiques à faire entre eux. Et par exemple, dans Aimez-moi ce soir, film de 1932, il y a une caractérisation des personnages, une caractérisation de leur classe sociale, et cela non seulement par le jeu des acteurs, mais par l'utilisation de la musique, et particulièrement de la musique chantée. Et tout cela est fondu de manière très convaincante. Ce qui fait que Mamoulian semble avoir une place tout à fait à part à Hollywood. Son, toutes ses périodes d'études, toute son jeunesse, son enfance, il était quelques années dans son enfance, il était à Paris, et après il était au Tiflis, il était au Moscou, il était au Tiflis. Il a commencé un atelier de théâtre au Tiflis avec Levon Kalantal, qui a tourné Les Diplomates mexicains. Il a tout un lien culturel même, parallèle dans ce sens. Il était dans le atelier de Vartangov en Moscou, cette tradition d'expression rythmique qu'il a emportée aux États-Unis à travers de son enseignement, son travail avec Vartangov, qui est devenu une partie de théâtre musical américain à partir de Porgy jusqu'à Oklahoma, jusqu'à Carousel dans le Broadway, et après dans le cinéma, dans Aimez-moi ce soir, Love Me Tonight, ou High, Wide and Handsome, jusqu'à Silk Stockings, La Belle de Moscou. Tout ça, toujours s'est dit, c'est bon, il était en Moscou, mais personne ne fait pas cette réflexion qu'il était en Moscou dans l'atelier de Vartangov, qui Vartangov était un Arménien de Caucase, et il avait importé quelque chose de Caucase là-bas. Il avait les élèves qu'ils sont étaient d'origine arménienne de Caucase, et tout ça c'est oublié parce qu'il manque d'informations. Et on dit, mais quel est le lien entre Mamoulian et les autres? Il y a un lien profondément culturel qu'on oublie parce qu'on ne voit pas même le lien pour quelle raison le théâtre musical américain, dans le sens innovatif, créatif, comme Porgy, le premier opéra créé aux États-Unis par Gershwin, ça a été à cause de mise en scène de Mamoulian, qui il a utilisé les noirs dans la mise en scène, avec les bleus et tout ça, avec une mise en scène rythmique et complètement avec nouvelle vision. La La relation à l'intérieur du village, à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de la famille, la manière dont l'individu s'insère dans ces différents ensembles sont une constante dans le cinéma arménien. On ne compte pas les références à la coutume d'offrir un bouquet de fleurs au moment de la demande en mariage, par exemple. Dans Nahabet, le très émouvant film de Malian de 1977, lorsque le héros pense à ses proches qui ont été massacrés par les militaires ottomans, non seulement il revoit les scènes de meurtre, mais il revoit aussi toute la famille réunie. Et la mémoire de Nahabet fonctionne comme une photo de famille qui intégrerait tout cela en un ensemble indissociable. Dans « Bonjour, c'est moi » de Frunze Dovlatian, de 1965, on est mis en présence du drame d'une famille qui est unie, et le père meurt. Et puis, en même temps, on a un autre personnage qui, lui, représente la solitude, qui représente l'absence d'une famille, une absence consécutive à la mort de la femme aimée. Et puis, même déjà dans « Guy Corps » de Marty Rossian, qui était de 1934, on assistait au drame d'un enfant qui était séparé des siens et qui en mourait. C'est dire l'importance de la relation familiale à l'intérieur de ce cinéma arménien. Je me rappelle dans Le Père de Malian, eh bien, il y a un moment où on les voit, on voit père et fils s'affronter, qui renvoie une problématique typiquement arménienne. La relation entre père et fils est une relation extrêmement complexe chez les Arméniens, à savoir la solution classique, c'est le père tue le fils, enfin, ou fait disparaître son fils, au lieu que c'est pas dans la solution oedipienne, c'est l'inverse qui se fait. Mais chez les Arméniens, c'est le père qui fait disparaître son fils. Eh bien, voilà, c'est un cas typique et où, par exemple, le cinéaste prend en charge, prend la solution traditionnelle de ce conflit et le plaque dans la réalité arménienne d'Erevan des années 50. Derrière ce conflit père et fils, on se trouve d'une manière inaugurale, on peut dire, dans un mythe arménien, entre le d'un roi, Artachès, et le fils, et ce fils qui se rebelle contre le père, et le père, que fera-t-il dans son lit de mort? Il va maudire ce fils pour qu'il disparaisse, dans la mesure où le fils a demandé à ce que le père un peu cède le pas à son fils. Voilà. Dans cette relation père et fils, dans ce mythe qui se trouvait donc bien avant la christianisation de l'Arménie, on retrouve sa solution encore une fois dans le film de Malian, 2000 ans plus tard. Je pense qu'il y a là un certain nombre de traits caractéristiques qui viennent soit de la littérature, soit de la tradition orale, soit des mœurs tout court, qui s'infiltrent dans un art quand même extrêmement travaillé tel que le cinéma, et qui donnent des caractéristiques qu'il est quand même difficile de définir abstraitement. Oui, dans cette volonté de soumettre les fils au pouvoir du père, donc derrière cette affaire de pouvoir, peut-être y a-t-il aussi inconsciemment le désir de rester au plus près du respect de la tradition des pères, et cela en empêchant toute déperdition dans la transmission par les fils. Peut-être peut-on faire à quelques films arméniens le reproche d'une longueur inutile, un petit peu à la manière soviétique, comme si la longueur était garante du sérieux. Et même dans La chronique des journées d'Erevan, le film de 72 de Frunze Dovlatian, et où la vérité d'une mémoire qui est retrouvée par l'intermédiaire de documents et de témoignages va permettre une relation réelle entre une jeune femme et puis l'archiviste qui a sauvé cette mémoire, il est certain qu'un peu plus de concision aurait donné davantage de force aux propos. Mais, par opposition à cette longueur, il y aurait alors une lenteur orientale qui serait tout autre chose. Pour un spectateur occidental, la lenteur, certaines lenteurs des films arméniens sont problématiques. On se pose des questions, même chez les derniers films. Dans les derniers films, certains passages pourraient être raccourcis. enfin, du point de vue occidental. Mais en fait, la prise en charge de la durée chez les Arméniens, dans le cinéma arménien, est différente. C'est-à-dire qu'on aime prendre son temps, c'est-à-dire souffler pour bien comprendre non seulement le sens du geste et la parole, mais aussi l'environnement, le contexte. C'est-à-dire que la durée n'est pas du tout celle des montres. Nous sommes un peu en Orient. Le rythme est beaucoup plus lent. Le film, notamment dans le film de Arbi Ovanessian, La Source, par exemple, il y a un véritable travail sur la durée. À savoir, on va tout ralentir. بذار خونم روشن بشه گل میکنم شاخه ها رو میچینم نمیخواد حضورا رو با میبینم تو رو میبینم. Dans le film de Bagrat Ovanessian, Le Pressoir, film de 1973, il y a aussi une lenteur, mais alors une lenteur tout à fait intériorisée. Il y a une atmosphère nostalgique, il y a une histoire qui évidemment est très triste, puisque c'est un petit garçon dont le père est parti à la guerre, et puis on a dit à sa famille que le père était mort, on a donné l'annonce précise du décès, et cet enfant ne veut pas croire à ce décès, ce qui fait qu'on le voit qui va sur la voie ferrée, aux heures où le train doit arriver, il est sur la voie ferrée, comme le train, et il y a à ce moment-là une sorte d'osmose entre ce petit garçon qui marche vers le train et le train qui avance vers lui. L'attente est quelque chose qui résulte de la présence simultanée de cet enfant et ce train face à face. Il y a une espèce de durée des deux qui se combine. Bon, bien sûr, après le terrain, ça va se terminer extrêmement mal puisque le père, de retour, alors ça c'est un premier bonheur, va repartir. Deuxième, c'est le malheur, il va mourir. Et quand on a pu vivre en même temps ce premier bonheur et ce deuxième malheur, cette nostalgie, cette tristesse, ce ne sont plus des larmes extérieures, ce sont vraiment des larmes intérieures qui nous viennent à la vision de ce film, parce que c'est un véritable rythme intérieur qui, à travers tout cela, nous a pris. Nous sommes comme cet enfant sur cette voie ferrée. Et ça, c'est une image qui nous reste à tout jamais de ce pressoir de Bagrat Ovanessian. Ça finit avec un saint qui est dans l'imagination, qui monte en résurrection. Ça c'est et toutes les gens qui sont morts ou ils ont perdu une partie de corps, à la fin du film, ils sont en habit blanc, en train de travailler dans le pressoir, mais dans l'imagination, ils sont vivants encore, ils sont complets, ils sont liés avec la vie, ils sont là. Et ça, c'est une dimension très très particulière qui, derrière le rideau, derrière l'apparence, il y a quelque chose d'autre aussi. Et cette film touche ça. Il faut dire, bon, tout simplement, hein, qu'il y en a un qui est amputé et qui se retrouve avec sa jambe, il y en a un autre qui est mort qui se retrouve là, la femme qui était partie avec quelqu'un d'autre, se retrouve très aimante par rapport à son mari, et le jeune homme qui est là, qui transporte le raisin, et qui est mort lui aussi, et dont le père ne voulait plus jamais cueillir le raisin tant qu'il ne serait pas là, est là, et tous sont là, et non seulement ils sont dans ces habits blancs, mais en plus le film lui-même tire vers le blanc, parce qu'il est surexposé à ce moment-là, hein. C'est un petit peu une sorte de, vous disiez, oui, une résurrection, une transfiguration, même, quelque chose comme cela. Et vraiment, à ce moment-là, on peut dire que c'est un effet très simple. Au fond, surexposer un film, c'est donné à tout le monde. Mais à cet instant-là, c'est plein d'un sens qui est totalement introduit dans le rythme. Et quand on voit ces hommes dans le pressoir, donc qui sont là, pieds nus, en train de fouler le raisin, et qu'on voit le petit garçon qui les rejoint dans le pressoir, on a vraiment l'impression, au fond, dans les scènes de transfiguration, d'apôtres qui auraient le droit de rejoindre le Christ, alors c'est qu'ils n'ont pas le droit, normalement ils se tournent la tête. Mais là, on serait dans une scène qui serait, d'un certain point de vue, plus mystique que les nombreuses représentations de transfiguration qu'on peut avoir dans les manuscrits. Mais Dieu sait qu'on en a des représentations de transfiguration. Moi, je pense que c'est vraiment dans la grande tradition mystique et que ça va encore plus loin que certains manuscrits. Ça touche à naissance, avec très peu de moyens, avec des moyens très simples. Mais ça touche l'essence. La vraie qualité de ce cinéma, c'est son dimension poétique. Pas de dimension sociale, pas de dimension historique, mais poétique mythique. Quand vous avez dit poétique épique, même Pelechian est ça. Parajanov est ça. La bonne dimension de Parajanov, c'est son poésie. Je voudrais citer quelque chose qui a été dit par Mamoulian. Il a dit la réalité, le réalisme, mort toujours, et la poésie vit toujours. Doom Kodak Hakazet Hakazet Doom Kodak Hakazet. Un élément qui fait partie intégrante du paysage cinématographique arménien, c'est bien l'Église. Et que la religion soit critiquée ou bien qu'elle soit vénérée, l'Église affirme constamment sa présence, que ce soit l'Église en tant que monument ou bien l'Église par l'intermédiaire de son clergé. Cela peut se voir depuis Beknazarian, cela peut se voir très fortement chez Parajanov, cela peut se voir dans un genre très différent dans le film d'Henri Verneuil de Maïric. Bref, l'Église est constamment présente et elle nous met évidemment dans une ambiance où la vénération, la prière vont nous amener à une sorte de réflexion, une sorte de sacralisation de la nature, des objets, de tout ce qui nous entoure. Il y a une notion de sacré dans plusieurs films. Rarement on voit ça dans le cinéma. Même dans le film qui a été tourné dans la période soviétique, il y a une notion de sacré. Et il y a les moments où on voit le film essaye à toucher un moment de sacré, un moment de prière, un moment de lien familial qui est très, très, très sacré, vénéré, mais sur le niveau vraiment sacré de sens. La foi, la patrie et tout ça, il est plein de silence qui a été utilisé dans ces films comme un moyen d'expression. Pas gratuitement, même quand il y a les documents qui étaient montés, par exemple dans le film de Yerevan Janikian, qui était l'italienne, l'arménien de l'Italie, qui a utilisé le matériel d'archives de Tsariste, un film de montage. Les hommes, les années, la vie. Oh. Oui, le film de Malian, Nahabet, peut parfaitement servir d'écho, peut-être un écho, à ce film de documentaire de Giannikian, parce qu'en réalité, si d'un côté il y a le décalage, il y a le silence, il y a l'image qui parle d'une manière décalée par rapport à la musique et par rapport à l'histoire, dans le film de Malian, Nahabet, au moment où le frère et la sœur se retrouvent, ça, c'est la difficulté à se retrouver qui est donnée à entendre, et à entendre non pas par des mots, mais simplement par un sanglot, et à entendre aussi par le fait que le frère et la sœur ne se remettent pas à parler, mais se remettent tous les deux à chanter. Leur premier contact, c'est de pouvoir rechanter ensemble un chant du passé dont ils ont la nostalgie, et ça, c'est aussi beau qu'un documentaire comme celui de Giannikian. L'un et l'autre sont des échos extraordinaires. Ce qui est intéressant aussi dans ces films-là, c'est le côté culte, je dirais, à savoir les rythmes de la vie. Chez les Arméniens, les rythmes de la vie sont quand même malgré le fait que c'est une société maintenant profane, très liés à, je dirais, à une espèce de l'année liturgique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rythme très profond qui fait que la vie du village, comme la vie dans les villes, c'est une vie rythmée par des grands moments, et ces grands moments sont très souvent pris en charge au cinéma. Même par exemple dans Sayat Nova de Parajanov ou dans les autres films de Parajanov, on voit ce côté, cette ritualisation de la vie qui réapparaît au niveau artistique ou au niveau du cinéma dans la ritualisation des images et des gestes. Je crois qu'il y a un parallèle. Évidemment, on ne passe pas de l'un à l'autre d'une manière directe, mais je crois qu'il y a néanmoins la transformation en principe esthétique de ce qui se trouve dans la vie réelle. Oui, mais ça c'est intéressant, parce que cette ritualisation, c'est quelque chose qui est spécifique de nombre de sociétés traditionnelles, et pas seulement arméniennes ou géorgiennes. Mais alors, ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est que le cinéma arménien prenne en considération cette ritualisation-là, c'est-à-dire qu'il l'admette dans son travail de cinéma. C'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si ça se fait consciemment, mais je crois que ça se fait plutôt inconsciemment. C'est-à-dire qu'on appelle ça, par exemple, il y a plusieurs... Les Arméniens ont énormément réfléchi sur leur identité, tant au niveau de la littérature, de la poésie qu'au cinéma. À savoir comment faire à ce que les productions, nos productions soient arméniennes. Alors, l'essence arménienne, moi je ne sais pas ce qu'elle est. Néanmoins, les acteurs, les romanciers cherchent toujours à exprimer cet indicible de l'âme arménienne, toujours entre guillemets, par des moyens tels que notamment notre manière d'enterrer les morts, d'assumer la naissance, de marcher dans la rue, évidemment, sont exprimés d'une manière différente. Ce qui est tout à fait remarquable à propos du plus grand film de Parajanov, Sayat Nova, ce qui est remarquable, c'est que là, il s'agit d'un film sur un poète, un troubadour du XVIIIe siècle, et que ce film est précisément un film muet. Enfin, c'est un film avec accompagnement musical et avec une bande-son particulièrement importante, mais c'est un film muet. Alors là, il y a aussi, visiblement, s'il a installé ce côté muet, c'est parce qu'il voulait installer une tension entre le texte et l'image. Alors là, on sent que quelque chose se passe entre l'image, le texte et la parole. C'est-à-dire que c'est la gageure a été, pour Parajanov, de faire un film muet sur la poésie. Parce que finalement, c'est ça. Sayat Nova, c'est un poète, et il était pour lui très facile d'utiliser les textes, les poèmes de Sayat Nova. Mais à ce moment-là, il aurait viré carrément dans le provincialisme. Parce que c'est ce qu'on attendait de lui, en fait. Alors, ce film a été fait à l'occasion du 250e anniversaire de Sayat Nova, un poète du XVIIIe siècle. Et en fait, il a voulu utiliser le silence pour parler de la poésie, enfin, pour faire un film sur la poésie, ou peut-être un film sur le film, ou sur l'art. Parajanov, dans ce film, dit quelque chose d'extrêmement clair. Il dit non d'abord au langage qui lui semblait truqué, son message, parce que quand vous regardez le film sur Sayat Nova, c'est un film éminemment d'un certain côté politique. C'est un non à la vie sociale, à la société telle que elle se développe autour de Sayat Nova. Le film, ça se passe quand même un Sayat Nova qui dit non au monastère, qui dit non. Alors, c'est quelqu'un qui dit non à la société telle qu'elle est. C'est un peu la métaphore de la société soviétique. Alors, ce refus du langage, c'est le refus d'un langage codé, utilisé par les autres. Et évidemment, vous voyez là l'émergence d'un autre langage, à savoir la musique. D'abord, la musique de Mansourian qui rend parfaitement ce que veut suggérer Parajanov. En plus, les images. Ces cadres fixes qui permettent d'évoquer, où chaque objet a sa place, et qui permettent d'évoquer justement un monde qui ne nous est plus accessible. L'utilisation du plan fixe et d'une frontalité très manifeste s'accompagne d'une recomposition des objets, une recomposition des personnages, et alors tous ces éléments qui sont arrachés à leur disposition habituelle reprennent une présence. C'est une manière de leur restituer leur être. Et de ce point de vue, on ne peut que penser à la manière dont les manuscrits du Moyen-Âge placent chaque objet non seulement en fonction de ce qui l'entoure, mais aussi en fonction directement du regard du spectateur. Ce qui fait qu'il y a une relation intime entre le spectateur et l'objet. L'objet ne se perd pas dans ce qui l'entoure, et il y a chez Parajanov un amour envers chaque objet, envers chaque personnage. Et c'est cela, la poésie dans le cinéma de Parajanov. Et cette poésie de Parajanov, ça a été un élément tout à fait problématique, non seulement à intégrer à la cinématographie, mais à intégrer à la société même, puisque en raison de cette poésie, Parajanov a souffert lui-même dans sa chair. Il a passé plusieurs années en prison sous des accusations dérisoires, comme on pouvait en faire à l'époque. Ce qui fait que cette poésie était à ce moment-là un véritable acte social qui le mettait, lui, en danger. Et quand on retrouve donc chez Parajanov des éléments, comment dire, des principes qu'on avait déjà dans les manuscrits, par exemple le principe de l'intégration de nombre d'éléments dans un seul ensemble, très compact, ce qui est aussi présent d'ailleurs dans l'architecture arménienne, où quand on voit une église de l'extérieur, on a l'impression d'un ensemble tout refermé, et puis si on y fait un peu attention, si on entre dans l'église, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de richesses, il y a ce qu'on appelle d'autres formes qui se donnent à l'intérieur de cette église, donc toute cette poésie qui est une manière de recéler des richesses, tout cela a été difficilement accueilli, a été mal accueilli, et Parajanov a eu à en souffrir lui-même. Donc on est là vraiment dans une poésie qui est une poésie non seulement du cinéma en tant qu'objet qu'on est en train de fabriquer, mais aussi une poésie qui est la poésie de l'être qu'on est en train de retrouver en soi-même par l'intermédiaire de la médiation qu'on utilise, et dans le cas précis, le cinéma, comme à une autre époque ça pouvait être les enluminures ou bien l'architecture. Au lieu de montrer les événements, ils montrent leurs traces. C'est quand même très caractéristique. Il montre, par exemple, plein d'objets, mais il montre très rarement la main qui les dépose. Et ça permet de valoriser les objets ou même les gestes en tant que tels. C'est que, par exemple, dans certains films de Pelechian, mettons Les Saisons, on assiste réellement à la vie de bergers sur la montagne, de bergers arméniens. C'est observé très directement. Par ailleurs, ce film Les images du film subissent un traitement très particulier, c'est-à-dire qu'on va reprendre les mêmes images, on va éventuellement inverser les images, on va mettre en liaison les images avec une certaine musique, on va en reprendre certaines, on va en reprendre en partie certaines, on va fabriquer par exemple un mouvement de torrent simplement en reprenant en boucle la même image pendant 10, 20, 30 secondes. Donc on assiste en même temps à une référence réelle tout à fait authentifiable, et d'autre part, un traitement esthétique extrêmement travaillé. Or, le résultat, c'est que ça donne l'image d'une activité d'un berger arménien très fortement ressentie de la part du spectateur. Et puis, par ailleurs, c'est un film qui dépasse largement les frontières de l'Arménie, c'est un film qui a un très grand succès, et dont Pélechian lui-même peut dire que ce qu'il vise là-dedans, c'est l'universel. Alors c'est très étrange parce qu'on est en même temps au plus près de la campagne arménienne et en même temps Pélechian lui-même exprime la conscience absolue que c'est là qu'on va toucher l'universel. Alors ça c'est très important du point de vue de la spécificité éventuelle du cinéma arménien et de la parole que le cinéma arménien peut représenter par rapport à des non-arméniens. En fait, cette universalisation est obtenue par le travail sous l'image, c'est-à-dire par l'art, on peut dire. Mais c'est un problème, on peut dire, qui a été évoqué pendant des années chez les Arméniens, à savoir comment faire à ce que la vie du village, qui reste quand même le domaine où les Arméniens se sentent le plus naturellement eux-mêmes, à tort ou à raison, eh bien, comment cette vie du village apparaisse comme un monde universel. Et c'est là que les littérateurs ont essayé de trouver des solutions. Cela veut dire que ce n'est pas simplement un problème du cinéma, c'est un problème de la culture arménienne, qui, d'un côté, a ses codes, comme toute culture, et parfois même pour certains étrangers, pour des étrangers, pour des non-arméniens, disons, ces codes apparaissent comme, cette culture apparaît comme trop fermée sur elle-même, au point où on explique ça par le fait que les Arméniens ont été persécutés et d'autres. Non, je ne crois pas que cette culture est fermée d'abord. Je ne crois pas du tout. Mais elle a ses propres moyens de s'exprimer, de se comprendre. Très souvent, on a l'impression que pour les non-arméniens, la culture arménienne n'a pas le discours, son discours sur soi-même. En fait, c'est une culture extrêmement raffinée. Les raffinements de Pélechian se comprennent dans un monde où il y a du raffinement en général, et ces raffinements répondent à des problèmes qui sont, dès le milieu du XIXe siècle, des questions posées à toute la culture arménienne, à savoir comment faire à ce que nous devenions un peuple comme les autres, à savoir un peuple moderne. Et pour parvenir à ses fins, Pélechian est un véritable orfèvre dans le montage. Et précisément, dans ce qu'il appelle le montage à distance, tel qu'il le pratique, il y a l'installation d'un intervalle de temps entre des images qui sont semblables ou qui sont apparentées. Intervalle de manière à ce qu'un sens naisse de la perception même de cet intervalle. Le traitement cinématographique du temps est donc une façon de faire du sens. Et lorsque Pélechian utilise des documents d'archives, il les recompose, il les recadre, et de façon à leur donner du sens. Pélechian aboutit ainsi à une véritable saturation tragique des images, il leur confère une sorte de surplus constamment entre l'image arrêtée qu'on attend et qui vient parfois et la frénésie des reprises, des retours. Il y a un temps particulier dans ces films de Pélechian, un véritable temps problématique et un temps réellement tragique, un temps du tragique. Thank you. aller vers l'intériorité des choses, aller dans l'intériorité des choses, on le trouve également dans vos films, Arbio Vanessian, et votre documentaire sur le pèlerinage de Saint-Adé, qui date de 67, se passe en Iran. On y trouve, à travers les images, un dialogue entre la mémoire des lieux avec l'Église, et puis ces coutumes qui sont reprises par les gens qui sont les pèlerins, et puis le caractère éphémère de ce village de pèlerinage. Je crois que vous avez ainsi voulu unir le quotidien et la mémoire. Tout ça était lié à cet esprit d'aller vers une expression arménienne dans, cinématographique. C'est ça qui m'intéresse, dans le langage cinématographique. Comment on peut toucher cette culture, cet espace, cet esprit. Et le documentaire que je tournais sur Saint-Adé, ça a été un pèlerinage vrai pour moi. Et je filmais cette expérience. C'est tout ce qui est dans ce film, c'est mon expérience, la façon que j'ai vécu, j'ai vu. Je gardais tout le processus. Ça a été un document pour moi-même. Dans votre film de 1971, la source, dès le début, dès les premières images, c'est de nouveau la mémoire qu'on retrouve, une mémoire qui s'installe en même temps que l'histoire se raconte. Et le petit avion de papier qu'on voit tomber et qu'on voit bouger un peu avec le vent, on le retrouvera plus tard, accompagnant une scène très très importante du film. L'amour coupable, la mort, le tarissement de la source, l'errance, tout cela existe par une manière de filmer qui semble s'arrêter aux êtres et aux objets. Il semble que la vérité du film réside strictement dans le jeu entre ces divers éléments. Par exemple, il n'est plus possible de penser l'efflorescence de l'amour entre les deux personnages sans cette chute dérisoire du petit avion au sol. L'amour ne peut exister que là. Tout ce qui a été fait, c'est un miracle. Tous les films qui existent dans l'Arménie, quand on pense que tous ces films, ils sont tournés avec très peu de budget, avec très peu de moyens, avec un contre-courant tout le temps, et on pense pour quelle raison tous ces films ont été tournés. C'est là qu'il y a quelque chose en dimension héroïque aussi dans ce cinéma. Vous avez dit épique, je peux dire héroïque. C'était Les Mardis du cinéma, le cinéma arménien, une émission de Régis Labourdette, groupe de réalisation Jacques Taroni, Alain Joubert, avec la participation de Arbio Vanessian, Krikor Belodian et Jean Radvani. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.